Fourmis réservoir. Les fourmis à miel, fourmis rotondes, fourmis outres, fourmis bonbonnes, fourmis réservoirs, dont j'ai déjà dit quelques mots dans un chapitre précédent, portent dans l'entomologie officielle le nom moins vulgaire, moins pittoresque et moins facile à prononcer et à retenir de Myrmécocystus méligère. Nous devons au révérend McCook à peu près tout ce que nous savons sur elle. Comme les fongicoles, elles aiment les régions chaudes, bien que la nature, sous d'autres climats, en ait ébauché des préfigurations ou des contrefaçons, notamment dans des pays arides où elles sont presque indispensables à des insectes plus ou moins vignerons qui n'ont pas encore appris à façonner des tonneaux, des jarres ou des bouteilles et qui veulent avoir en réserve des aliments liquides. C'est dans l'Hortus Deorum, ou Jardin des Dieux, du Colorado, que McCook les étudia. Elles vivent exclusivement des gouttes de miel qui suintent des galles d'un chêne spécial, le Quercus undulata, dont elles se gorgent au point de tripler et de quadrupler le volume de leur abdomen. Celles qui parviennent à le quintupler ou à le sextupler sont promues au grade de réservoir. On achève de les remplir à domicile jusqu'à ce qu'elles aient atteint 8 fois le poids normal. Après quoi, par les pattes de devant, elles s'accrochent au plafond de l'une des 10 ou 20 chambres à miel taillées dans le grès rouge et y restent suspendues jusqu'à leur mort, et plus outre, car souvent leurs crochets ne lâchent prise que 2 ou 3 jours après le décès. On voit les inconvénients, mais on se demande quels sont les avantages de cette onéreuse promotion. Se trouve-t-il dans les voluptés de régurgitation, dans une stupidité phénoménale, dans la satisfaction d'une vanité sans borne, ou dans les joies du sacrifice intégral? Ce qui, dans notre monde, semblerait invraisemblable, ne l'est pas nécessairement dans celui des fourmis. L'insecte ordinaire a une taille de 5 ou 6 mm. Gonflé à se rompre, il devient translucide et atteint les dimensions d'un grain de raisin, qui contient un miel délicieux, paraît-il, et fort recherché par les habitants du pays. La fourmilière explorée par McCook, avec ses couloirs, ses entrepôts et ses galeries superposées, occupaient un espace d'environ 3 mètres de longueur sur 1 mètre de hauteur et 50 cm de largeur, et était tout entière creusée dans un grès rouge, assez friable mais beaucoup plus dur que la terre végétale. Elle comprenait 10 chambres à miel, renfermant chacune une 30aine d'outres vivantes. Qu'accidentellement, un de ces ballons se décroche et tombe lourdement sur le sol, s'il éclate, les fourmis maigres se précipitent à la curée sucrée. S'il demeure entier, il ne peut plus se relever ni remonter à son poste dans le haut du cellier. Personne n'y touche malgré l'appât du miel, mais personne ne lui vient en aide, et agitant désespérément ses pattes dans le vide, il finit par mourir sur place, parfois au bout de plusieurs mois. Alors les maigres séparent le thorax de l'abdomen, et sans y porter une mandibule profanatrice, roule celui-ci hors de la cité jusqu'au lieu qui sert de cimetière où elle l'abandonne. Voilà en quelques mots ce qu'on sait de leurs mœurs. Je ne crois pas que celles des Sélénites ou des Béthelgeusiens puissent nous paraître beaucoup plus surprenantes ou plus inexplicables. Bien qu'on ignore ici, comme en tant d'autres cas, le fond des choses, ne nous attristons point. Nous ne serons jamais que les jouets d'une heure et nous ne pouvons pas espérer l'absolu. Ce qui est acquis, et nous avons des milliers, voire des millions d'années pour éclaircir le reste. Au surplus, il y a bien des problèmes plus urgents que celui-ci, encore que tout se tienne et que la moindre réponse indiscutable à la plus petite des questions, que cette réponse nous vienne d'Antarès, d'une naine blanche ou de la fourmilière, intéresse tout ce qui nous touche de plus près. Complétons ces paragraphes consacrés aux fileuses et aux réservoirs, en passant rapidement en revue un certain nombre de petites industries auxquelles nous ne nous étions pas encore attardés. Nous savons que dans la fourmilière, le travail est organisé avec beaucoup plus de méthode et de sang-froid que ne le ferait supposer l'agitation désordonnée que nous remarquons d'habitude à la surface du nid. Agitation qui, du reste, 9 fois sur 10, n'est imputable qu'à notre présence menaçante comme un cataclysme, à notre intervention intempestive, à nos gestes inconsidérés. Dans les ténèbres des galeries souterraines, chacun a sa besogne, sait exactement ce qu'il faut faire et le fait avec soin. À peine sortie de sa coque, la nymphe, devenue fourmi, encore flageolante sur ses pattes molles, s'empresse autour des œufs, des larves et des pupes qu'elle nourrit, tourne, retourne, déplace, brosse, peigne et nettoie sans arrêt. Elle ne sortira du terrier que lorsque ses membres et sa cuirasse de chitine se seront suffisamment raffermis. Elle deviendra alors exploratrice, espionne, bergère, pourvoyeuse, jardinière, champignonniste, moissonneuse, terrassière, maçonne, menuisière, réservoir à miel, guerrière, nourrice, ménagère, etc., selon sa race, sa vocation, ses aptitudes ou les ordres de l'intelligence centrale. Mais parfois, sa spécialisation est à tel point marquée dès sa naissance qu'elle modifie la structure de son corps. Ces modifications sont moins générales, mais souvent aussi profondes, aussi radicales que chez les termites. Certaines ouvrières sont munies, par prédestination, d'un outillage spécial, selon qu'il s'agit de scier, de couper, de dépecer, de tarauder, de broyer. Celles qui seront soldats acquièrent des mandibules deux ou trois fois plus grandes, plus acérées, plus redoutables que les mandibules normales. D'autres possèdent des mandibules à ressort qui leur permettent de sauter comme des puces et d'échapper ainsi à l'adversaire déconcerté. L'hôte encore peu connu des forêts vierges du Brésil, le mystérieux Gigantiops destructor, aux grands yeux, bondit de branche en branche, et une fourmi indienne, l'Arpegnatus cruentatus, d'une détente de ses mâchoires, franchit un demi-mètre. Il en est qui se couvrent d'épines. Quelques-unes ont des graines dans lesquelles elles abritent leurs fragiles antennes. Des habitants du désert, qui toute leur vie auront à charrier des grains de sable, sont pourvus d'énormes têtes en forme de spatules, de cuillères, de cupules. Il suffit du reste de juxtaposer sur une feuille de papier quelques visages appartenant à diverses espèces d'ouvrières ou de soldats pour réunir la plus hallucinante collection de masques qu'un carnavalier de Nice ou de Venise ait jamais imaginé. L'un des plus curieux de ces masques est celui dont s'affuble le soldat concierge ou portier. Ou plutôt, à proprement parler, il n'est pas portier, mais sa tête, monstrueusement spécialisée, est la porte même, qui obture exactement comme un tampon l'ouverture du nid. Si ce nid, par exemple, est installé dans une tige de bambou, le front du portier prend l'aspect et la couleur de la tige en question. S'il se trouve dans le tronc d'un vieux poirier, il se camoufle en écorce de poirier. On trouve toute une série de formes intermédiaires qui vont du portier ou de la tête porte-nez au demi-portier, au portier suppléant, au portier candidat, au portier amateur, etc., dont l'organe semble déterminer le destin, à moins que ce ne soit le destin qui ait déterminé l'organe. On a tout récemment découvert ou cru découvrir des spécialistes encore plus imprévus, des fourmis pompiers. Une myrmécologue, à qui nous devons déjà plus d'une étude intéressante et scrupuleuse, Madame Marguerite Combe, fille du grand botaniste Gaston Bonnier, dans une note publiée par le Journal de psychologie normale et pathologique et dans les communications faites à la Société entomologique de France, résumées et complétées dans un article paru dans la Revue des Deux Mondes du 1er avril 1930, déclare avoir vu à plusieurs reprises dans l'enclos du laboratoire de biologie végétale de Fontainebleau, une équipe de Formica rufa attaquer de concert et éteindre à l'aide de projections d'acide formique, parfois en 10 secondes, parfois en 10 minutes, un rat de cave allumé sur le nid. Souvent, les premières qui affrontèrent la flamme périrent victimes de leur dévouement. Dans d'autres expériences, les fourmis éteignirent devant témoins une grosse veilleuse de cire, de celles qu'on emploie pour les réchauds. Ces épreuves, plus d'une fois renouvelées, donnèrent toujours les mêmes résultats. Mais il faut ajouter que cette aptitude à éteindre le feu paraît exceptionnelle. En effet, sur 6 fourmilières de Formica rufa établies dans l'enclos dont parle Madame Combe, une seule, toujours la même, la possède franchement et la garde d'année en année. Au premier abord, les faits paraissent invraisemblables. Comment admettre que les fourmis aient la notion du feu? Naturellement, il n'y a jamais eu de feu dans la fourmilière. En ce qui la concerne, il ne peut provenir que de la foudre, ou de l'incendie de la forêt ou de la plaine, c'est-à-dire que les fourmis ne le peuvent connaître qu'en y périssant et n'eurent jamais l'occasion d'en acquérir l'expérience. Néanmoins, leur manière d'agir peut à la rigueur s'expliquer. Il est en effet d'observation courante que lorsqu'elles se trouvent, par exemple, en présence d'un liquide dont l'odeur les incommode, elles jettent dessus des boulettes de terre ou des débris jusqu'à ce qu'ils soient absorbés. N'est-ce pas un réflexe analogue, si l'on peut qualifier de réflexe un geste aussi manifestement intelligent qui les fait agir de la même façon à l'égard de la flamme? Madame Combe est d'avis que ces Formica rufa se familiarisèrent peu à peu avec le feu grâce à des bouts de cigarettes jetés fréquemment sur leur nid. Il est fort possible que cette explication très simple soit la meilleure. En tout cas, elle n'enlèverait rien au génie manifesté par la fourmilière. La Formica rufa pullule dans les bois de Peira Cava, qui s'étendent au-dessus de Nice, près de la frontière italienne, à une altitude de 1500 mètres. On n'y fait pas 20 pas sans y rencontrer un de leurs monticules d'aiguilles de pin, haut de 50 à 75 centimètres. J'y ai fait ces jours-ci, avec des bouts de bougies de divers calibres, des rats de cave et des veilleuses de cire, une trentaine d'expériences. Le tronçon de bougie, long de 2 ou 3 centimètres, posé tout allumé au sommet du nid, était immédiatement attaqué avec fureur par les premières ouvrières qui l'apercevaient. L'alarme se répandait et bientôt une foule affolée faisait cercle autour de la zone, large comme une pièce de 100 sous, où la flamme, à leurs yeux gigantesques, puisqu'elle avait 3 ou 4 fois la longueur de leur corps, rendait la chaleur intolérable. À chaque instant, une ouvrière, tête baissée, se précipitait dans le cercle infernal. On entendait un bruit de friture et le corps de l'insecte recroquevillé flambait comme une allumette. D'autres, de plus en plus nombreuses, suivaient l'exemple héroïque où sangluaient et mouraient étouffées ou ébouillantées dans la nappe de cire fondue qui peu à peu s'élargissait autour de la bougie. Celle-ci finissait par s'éteindre naturellement quand la mèche penchait et tombait sur le côté, faute de soutien et d'aliments. Mais je n'ai jamais constaté que les fourmis contribuassent à son extinction. Je dois même avouer que je ne comprends pas comment elles le pourraient faire, vu qu'avant qu'il leur soit possible d'approcher à distance convenable, elles périssent grillées ou asphyxiées. Il faudrait user d'une très petite flamme, d'une flamme à leur taille, mais alors cette flamme serait si fragile et si précaire qu'en la frôlant, en passant dessus, elle l'éteindrait sans peut-être en avoir nettement l'intention. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est leur héroïsme insensé, manifestement surhumain. D'autres feront sans nul doute des expériences plus concluantes. J'ai suspendu les miennes parce qu'elles me semblaient inutilement cruelles. On me signale que dans certaines forêts, notamment dans celles de Compiègne et de Fontainebleau, la Formica rufa devient de plus en plus rare. Les chercheurs d'œufs, ou plutôt de cocons destinés à l'élevage des faisans, lui font une guerre sans merci. Il serait temps qu'une loi intervînt, comme en Prusse, afin de sauver d'une destruction complète cette belle fourmi qu'on a surnommée la police des forêts. Un consciencieux myrmécologue, M. Robert Stumper, a calculé qu'un nid de Formica rufa détruit par jour plus de 50 000 insectes nuisibles, hyménoptères, micro-lépidoptères, chenilles, etc. Puisque vers la fin de ce chapitre, nous nous sommes quelque peu éloignés de nos insectes agricoles, permettons-nous une dernière digression. Quand nous voyons les fourmis s'affairer autour de leur logis, dont on vient de troubler le repos, transportées avec une aisance incroyable par les montées et les descentes les plus abruptes, des cocons 2 fois plus gros qu'elles, charriés, dressés, manœuvrés en se jouant, et pour ainsi dire à mandibules tendues, des aiguilles de pin ou des bouts de bois, qui pour nous représenteraient des madriers ou des poteaux que 2 ou 3 hommes manieraient avec peine, nous les croyons doués d'une force musculaire que jusqu'ici nous estimions 8 ou 10 fois supérieure à la nôtre. Il est fort possible que nous nous trompions. J'ai récemment reçu à ce sujet, de la part d'un ingénieur suédois, une communication qui, par contre-coup, ébranle sérieusement des idées qui n'étaient peut-être fondées que sur de fallacieuses apparences. Il prend un homme haut de 2 mètres. Cet homme peut porter sans peine une boule de fer de 20 cm de diamètre, pesant 35 kg, c'est-à-dire 35 000 grammes. Réduisez cet homme au millième. Il aura 2 mm de hauteur et le poids de sa boule, réduit dans les mêmes proportions, sera de 35 grammes, son diamètre étant de 2 cm. Il en induit que l'homme, réduit au millième, serait incomparablement plus fort que la fourmi, puisqu'il peut porter un objet ayant 10 fois sa taille. On a vivement critiqué les calculs de cet ingénieur. Il se trompe en effet totalement. Il applique une réduction linéaire à un poids, c'est-à-dire à un volume. Dans l'exemple qu'il propose, la réduction de 1 millième donne un homoncule de 2 mm de haut, portant une sphère de 2 dixièmes de millimètre, soit un grain de poussière métallique à peine visible à l'œil nu. Son erreur est intéressante parce que c'est celle où nous tombons tous instinctivement quand nous voyons des fourmis porter des objets 2 ou 3 fois plus grands qu'elles. En multipliant par 1000 leur taille et le poids présumé de l'objet, nous faisons inversement le même calcul erroné. Nous ne pensons pas au poids de l'insecte, poids qu'en général nous ignorons, et ne tenant compte que de sa taille, parce que nous ne voyons qu'elle, nous multiplions ou divisons l'une par l'autre 2 valeurs qui n'ont rien de commun. C'est le poids de l'homme qu'il faudrait diviser par 1000, ce qui nous donnerait un homme de 100 à 110 grammes. Quelle serait sa taille ? Ici, comme le fait remarquer un de mes correspondants, la mathématique est en défaut, parce que la substance de l'homme n'est pas homogène, ni sa structure homothétique. Le problème est d'ailleurs beaucoup plus complexe qu'on ne croit. Victor Cornetz, en 1922, a publié à ce sujet dans le Mercure de France une étude qui l'éclaire mieux que je ne le saurais faire. Il constate que le poids de la fourmi est en proportion du cube de sa taille. Une fourmi 3 fois plus petite qu'une de ses congénères pèse 27 fois moins. Or, sa force musculaire n'est pas amoindrie dans les mêmes proportions. Elle dépend du carré, c'est-à-dire que le petit insecte n'est absolument que 9 fois moins fort que le grand. L'une des dimensions, la longueur du muscle, ne compte pas dans l'évaluation de la force. Ce rapport de la dimension au cube, rapport qui domine tout le débat, est donc d'autant plus avantageux pour un être que cet être est plus petit, si les proportions restent à peu près les mêmes, et l'est d'autant moins que cet être est plus grand. Yves Delage, Revue scientifique du 19 juillet 1912, que cite Victor Cornetz, montre théoriquement qu'une fourmi qui peut porter un grain de blé 10 fois plus lourd qu'elle, si elle devenait 1000 fois plus grande, ne pourrait plus porter que le 1/100 de son poids. Elle serait alors 100 fois plus faible que l'homme et le cheval.